scission du Parti socialiste indépendant au congrès de Halle d'octobre 1920, une énorme masse d'ouvriers évoluant à gauche, révolutionnaires ou semi-révolutionnaires, rejoignent le Parti communiste unifié d'Allemagne, qui, avec cette unification, est un parti de masse de très grande envergure. Officiellement, il déclare 500 000 de membres. La réalité est sans doute un peu inférieure, mais peu importe. Et presque tout de suite, va se produire une petite catastrophe. Vous voyez, c'est la deuxième ou la troisième dans le récit, qui va porter un coup très dur à ce parti, qui va le rejeter très loin en arrière et qui va lui faire perdre énormément de membres. C'est la fameuse action de mars 1921. Fondamentalement, on l'a déjà souligné hier, la masse des ouvriers qui passe d'abord du Parti social-démocrate au Parti social-démocrate indépendant, puis du Parti social-démocrate indépendant au Parti communiste, c'est une masse d'ouvriers activistes radicalisés par la guerre et la crise révolutionnaire et qui veut en découdre, qui veut se battre sur une grande échelle contre la bourgeoisie et l'État bourgeois, et qui en a marre des hésitations, des tergiversations, des vacillations de la direction centriste, et qui exerce une très grosse pression sur la direction du Parti communiste pour passer à l'action. Et cela coïncide avec une estimation manifestement fausse de l'international communiste, de la direction de l'international communiste, sans laquelle il est temps de repasser à l'offensive à l'échelle européenne. C'est l'avance de l'armée rouge, l'offensive Tukhachevski de l'armée rouge sur Varsovie. On croit qu'on est à la veille de l'effondrement du capitalisme en Europe centrale et on élabore donc cette théorie de l'offensive qui est une théorie extrêmement dangereuse, ultra-gauchiste, si vous voulez, qui notamment croit que l'initiative du parti révolutionnaire est indispensable pour augmenter la combativité des masses. Nous allons revoir tout à l'heure que l'initiative du Parti révolutionnaire est vraiment indispensable à pas mal d'égards et pour pas mal de phases de la lutte de classe, mais pas pour celle-là. L'occasion formelle de l'action, c'est une opération militaire, disons, de rétablissement de l'ordre menée par le ministre social-démocrate prussien, du Land, de la province de Prusse, en Allemagne centrale, dans la région de Halle-Merseburg, où il y a quelques-unes des forteresses du Parti communiste allemand. Toujours est-il donc qu'il y a des opérations d'armée, de l'armée, pas seulement de la police, de l'armée en Allemagne centrale pour désarmer des groupes d'ouvriers, désarmer des groupes de citoyens, opérations qui sont toujours accompagnées par des meurtres, des assassinats, des exactions. Le Parti communiste allemand donne un appel, lance un appel à la résistance militaire, c'est-à-dire en réalité à l'offensive militaire contre l'armée qui occupe donc une série de villes. Il y a une implantation ouvrière très, très communiste très très puissante en Allemagne centrale. Et ce sont les deux grandes usines de l'industrie de l'azote qui avaient été créées juste avant et pendant la Première Guerre mondiale pour l'industrie de munitions, donc, notamment la fameuse usine Leuna, qui est encore aujourd'hui une des plus grandes usines de la RDA, une usine de plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, sont ces usines-là qui sont choisies par le Parti communiste comme centre de l'action militaire, c'est-à-dire qui sont transformées en forteresses et qui doivent être prises d'assaut par la Reichswehr, par l'armée, en des opérations qui durent plusieurs jours et dans lesquelles il y a beaucoup de morts. Le Parti communiste allemand, contrairement à ce qui s'était passé en janvier 19, assume l'action. La Rotefahne, l'organe central du parti, appelle les ouvriers aux armes dans toute l'Allemagne et personne ne réagit. L'action reste limitée à ces quelques forteresses d'Allemagne centrale où il y a l'affrontement direct avec la police. et l'armée. C'est une défaite politique très grave pour un parti qui compte de centaines de milliers de membres, qui appelle à la grève générale, qui appelle à l'insurrection et qui n'est pas suivi du tout. Il n'y a aucune riposte sauf par de petits groupes du parti. Même l'appareil militaire du parti à ce moment-là est très mal à point. C'est dans sa première phase de préparation seulement, les réactions sont minimes, sauf dans cette région. Et il y a toute une série de faits très graves qui en découlent. Une masse de membres s'en va. Le Parti communiste unifié perd la moitié des forces qu'il a gagnées du Parti socialiste indépendant. C'est-à-dire qu'il les perd en l'espace de quelques semaines. Quoi. C'est évidemment une catastrophe extraordinaire. L'avant-garde ouvrière, les éléments plus éduqués, les dirigeants ouvriers, notamment presque tous les militants du mouvement des conseillers d'entreprise, donc des hommes de confiance révolutionnaires, l'élite, si vous voulez, de la classe ouvrière allemande qui avait rejoint le parti donc en octobre 20, cela est perdu. Pour elle, une direction qui fait une opération qui se trompe tellement, qui appelle à la grève générale et à l'insurrection, alors que 90% du prolétariat ne suit pas, c'est une direction absolument incapable, qui a failli, qui est liquidée à ses yeux, qui n'a plus aucune autorité. La direction est décapitée. Cette action divise très profondément les militants, les cadres et les dirigeants qui restent. Et qu'à partir de ce moment-là, le parti restera pendant des années, c'est-à-dire pratiquement pendant jusqu'à la stalinisation totale, c'est-à-dire jusque vers 1929, divisé pendant 8 ans en deux fractions qui s'en veulent à mort, qui mènent une guerre au couteau et qui ne parlent presque plus les uns aux autres. L'international communiste intervient maintenant assez durement. C'est le 3e congrès de l'international communiste où, comme vous le savez, Lénine et Trotsky disent fièrement qu'ils se placent à la droite du congrès. Certains disent même méchamment à l'extrême droite du congrès. Mènent la bataille contre Belakoun, Boukharine, Zinoviev, c'est-à-dire les responsables de la politique d'offensive et de l'action de Mars, critiquent très durement l'action de Mars, font le tournant vers ce qu'ils appellent la politique de front unique, la politique de conquête des masses, et impose pratiquement un changement de direction au Parti communiste allemand. La direction passe à Heinrich Brandler, qui se lance effectivement à la conquête des masses. Et alors c'est le miracle, on ne peut pas l'appeler autrement, c'est le miracle absolument imprévu. En l'espace d'un an, le Parti communiste non seulement regagne tout le terrain perdu par l'action de Mars, mais il refait surface avec une force, une influence et une capacité d'action beaucoup plus grande qu'à la veille ou que pendant l'action de Mars. Il se lance effectivement à la conquête des masses avec un résultat absolument spectaculaire. Disons que le nombre de membres vraisemblablement revient entre 400 et 500 000. Il y a quelque chose comme 50 quotidiens. Il y a des fractions qui se construisent dans pratiquement tous les syndicats. Les sociaux-démocrates eux-mêmes évaluent à la veille des journées décisives d'octobre 1923 le poids des partis communistes dans les syndicats comme fluctuant entre 35 et 40%, et avec toute une série de syndicats qui sont manifestement dominés par le Parti communiste, tout à fait dirigés. Les fractions communistes, c'est la grande période du travail syndical communiste, ça n'a jamais été répété sur cette échelle, c'est-à-dire le Parti communiste répète au fond l'opération que le Parti socialiste indépendant a faite en 1919-1920. Il ne conquiert pas seulement une influence hégémonique dans la classe ouvrière, il conquiert des positions organisationnelles, l'une après l'autre, dans toutes les organisations de masse du parti. Et c'est un succès spectaculaire de la politique de front unique, c'est-à-dire le front unique est imposé non seulement au Parti socialiste indépendant, mais même au parti social-démocrate à toute une série d'occasions et dans toute une série de cas, dans toute une série d'actions syndicales, notamment la fameuse grève des cheminots qui est pratiquement dirigée conjointement par une direction social-démocrate, syndicale, bureaucratique et par le Parti communiste étant le seul qui apporte une aide totale dans tout le pays à la grève d'une manière tout à fait spectaculaire. Une même chose se produit lors d'un attentat contre Ratanau, le ministre des Affaires étrangères qui avait fait le fameux accord de Rapallo avec l'Union soviétique, qui est assassiné par un pré-fasciste, disons, un extrême droite est dans un Freikorps, un de ces groupes de choc qui vont devenir les futurs groupes de choc SAS de Hitler. La réaction à cela, c'est le vote d'une loi sur la défense de la République qui restera sur le papier, mais c'est la constitution de groupements d'autodéfense de la classe ouvrière et de défense antifasciste dans lequel le Parti communiste participe à côté du Parti social-démocrate, à côté du Parti socialiste indépendant et à côté des syndicats et s'impose, c'est-à-dire malgré tout leur anticommunisme viscéral et tout ce qui s'est passé pendant les années précédentes. Cette fois-ci, la pression unitaire est telle et la politique du Parti communiste suffisamment correcte pour que le Parti social-démocrate ne puisse pas échapper au front unique officiel au sommet. Et ce succès, cette succession de succès, trouve alors son point culminant extrêmement spectaculaire au début de l'année 1923, quand dans deux provinces, donc deux Länder d'Allemagne, qui sont celles où le poids du mouvement ouvrier est le plus grand, on a parlé du Royaume Rouge déjà avant la Première Guerre mondiale pour la Saxe, parce qu'à ce moment-là, toutes les circonscriptions, sauf une en Saxe, ont un député socialiste. En 1912, c'est donc la base la mieux organisée de la classe ouvrière de toute l'Allemagne. Et là donc, il y a un revirement spectaculaire. Le Parti social-démocrate se donne une direction de gauche et la direction de gauche du Parti social-démocrate accepte un front unique, disons, institutionnalisé avec le Parti communiste qui aboutit à la constitution du fameux gouvernement ouvrier où les communistes participent ensemble avec les socialistes dans ces deux Länder. Le Parti communiste est donc à la conquête des masses et il est à la conquête des masses dans une situation révolutionnaire qui se précipite maintenant, qui se précise, qui arrive à son point culminant. Et personne ne se trompe là-dessus, toutes les signes coïncident. Il y a deux déclics, il y a deux détonateurs. L'une, c'est l'inflation galopante. L'inflation galopante, ça veut dire les prix qui augmentent non plus de 1, de 2, de 3, de 4% par mois, mais qui augmentent de 100, de 200, de 500, de 1000%, d'abord par mois, puis par semaine, puis par jour. Vous connaissez, vous avez sans doute lu ces récits-là, les ouvriers touchant leur paye, qui doivent se précipiter au magasin pour acheter du pain, parce qu'entre le moment où ils touchent la paye et le moment où ils achètent, le pain, il y a déjà une hausse de prix, ils perdent déjà une partie du pouvoir d'achat s'ils ne convertissent pas tout de suite la monnaie en marchandise, c'est-à-dire en réalité la monnaie perd tout pouvoir d'achat. C'est une période de paupérisation absolue, de misère très très grave de la classe ouvrière allemande. Bien, il y a grève sur grève, les ouvriers se défendent comme ils peuvent, il y a des expériences de contrôle ouvrier avec contrôle et saisie des stocks au niveau des entreprises, au niveau du circuit de distribution. Il est clair que dans un climat pareil, avec une classe ouvrière très bien organisée et très très combative, ça amène évidemment la crise révolutionnaire jusqu'à la limite de l'explosion généralisée. Le deuxième détonateur, c'est une action de l'impérialisme français, ou plus exactement franco-belge, puisque je ne dois quand même pas oublier les exploits de mes compatriotes, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, par le traité de Versailles, avait obtenu des réparations de guerre multiples, très importantes de la part de l'Allemagne. C'était un calcul économique extrêmement stupide de la part des impérialistes vainqueurs, parce que l'Allemagne a commencé par payer, mais elle a payé d'une manière tout à fait particulière en poussant les exportations, en arrachant des marchés aux impérialistes occidentaux et avec la rentrée des devises de ses exportations, payant les réparations, ce qui a foutu la merde, si vous voulez, ce qui a foutu les difficultés économiques partout. Mais à partir d'un certain moment, il y a eu une contre-offensive, donc on ne pouvait pas continuer à exporter des produits, des marchandises allemandes toujours moins chères, c'est-à-dire en perdant la substance, en ne reconstituant même pas le capital. En Allemagne, à partir d'un certain moment, cette offensive des exportations a donc connu des échecs, et l'Allemagne ne pouvait plus payer ses réparations. Et alors, Poincaré, le chef, si vous voulez, agressif de l'impérialisme français à cette époque, décide de contre-attaquer et d'occuper la Ruhr, d'entrer donc, faire entrer les troupes allemandes, avec, les troupes françaises avec une petite suite belge dans la Ruhr. La bourgeoisie allemande ne tombe pas dans le panneau, ne déclenche pas la guerre, d'ailleurs elle n'a pas les moyens de le faire, la Reichswehr est à peine suffisante pour maintenir l'ordre en Allemagne. Elle ne s'oppose donc pas militairement, mais elle décrète la résistance passive, ce qui provoque d'ailleurs encore une détérioration de la situation économique et accentue encore l'inflation. Et dans ce climat, manifestement, le gouvernement allemand et la bourgeoisie allemande perdent toute autorité dans le pays. Et il y a une confirmation spectaculaire au bout d'une série de grèves économiques de plus en plus violentes, sur l'initiative du Parti communiste et de la gauche syndicale, pour des motifs qui sont formulés de manière très intelligente, c'est-à-dire qui partent des revendications immédiates des travailleurs, mais qui manifestement impliquent davantage. La grève générale est décrétée en été 1923 contre le gouvernement Kuhnau, donc c'est le gouvernement de la bourgeoisie allemande, très réactionnaire d'ailleurs, et pour le gouvernement ouvrier, comme il l'appelle. La grève générale est victorieuse, c'est une grève générale politique comme celle contre le Kurskap en 1920, mais cette fois-ci sous l'impulsion du Parti communiste, et sans qu'il y ait provocation militaire de la bourgeoisie, et le gouvernement est renversé. La grève générale renverse le gouvernement, la bourgeoisie se trouve pratiquement sans issue politique. C'est dans ce climat-là que le Parti communiste, que la direction Brandl du Parti communiste ébauche un projet de conquête du pouvoir en Allemagne. Et évidemment, l'international communiste s'est mêlé avec les premières, si vous voulez, escarmouches au sein de la direction du Parti communiste de l'Union soviétique et de lycée sur l'appréciation de la situation mondiale, sur l'appréciation de la situation en Allemagne, sur le rôle clé de la révolution allemande. En gros, la direction de l'international communiste et la direction du Parti communiste allemand, soviétique, à l'exception personnelle de Staline, mais même là, il faut faire un peu attention avec le jugement, concorde pour dire qu'il y a une situation révolutionnaire en Allemagne. C'était d'ailleurs difficile de le nier, tout le monde le disait, c'était visible à l'œil nu, et qu'il fallait mettre à l'ordre du jour la conquête du pouvoir. Et le projet est avancé, que Trotsky quitte secrètement la Russie, vient en Allemagne pour appuyer la lutte pour le pouvoir, la préparation de l'insurrection. Je dirais après si ça aurait vraiment changé quelque chose ou non. Je crois qu'il ne faut pas exagérer, que dans un pays de 70 millions d'habitants, avec un parti d'un demi-million de membres, ça ne peut tout de même pas être à la présence d'une personne qui va faire, même si c'est le plus grand génie du monde, qui va faire la différence entre le jour et la nuit. Mais enfin, incontestablement, ça a été un des facteurs qui ont contribué, disons-le, à l'échec de la révolution. Donc la direction du Parti communiste soviétique refuse de donner l'autorisation à Trotsky de quitter. On envoie deux autres camarades, Radek et Piatakov, qui sont de bons camarades, mais évidemment pas avec le talent, avec le génie ni politique ni militaire de Trotsky, et qui d'ailleurs ne joueront qu'un rôle tout à fait secondaire, tout à fait marginal dans cette affaire. Quel est le projet de Brandl? C'est un projet typiquement allemand, si je puis dire, sans être accusé de racisme, très compliqué, très bien organisé, avec un mécanisme très savant dont la première faiblesse qui saute à l'œil, c'est que précisément il est infiniment trop compliqué. C'est un bon conseil que je donne aux futurs organisateurs d'insurrections armées ici dans la salle. Ne faites jamais des projets trop compliqués, parce que ils vont rater. Ce sont des choses qu'on peut faire quand on a un état-major avec une armée immense et qui est huilée, qui marche après de grandes manœuvres s'étendant sur des années, mais l'armée révolutionnaire, elle est faite d'une autre manière. Si on prend par exemple la manière dont Trotsky a organisé l'insurrection d'octobre à Petrograd, c'était juste tout à fait l'inverse. C'était d'une simplicité limpide, très compréhensible, très facile à exécuter, même par des gens qui n'étaient pas de grands génies militaires. Des histoires qui sont très très compliquées, ce sont des histoires qui sont condamnées à l'échec presque automatiquement. Quelle était cette affaire? Bien, en gros, il y avait deux moteurs principaux pour l'action. D'une part, les ministres communistes entrés dans le gouvernement dit ouvrier de Saxe et de Thuringe devaient utiliser leur position dans ces deux gouvernements pour armer les ouvriers de ces deux pays d'une manière quasi légale, c'est-à-dire prendre les armes de la police et de la gendarmerie locale, parce que les armes de l'armée ne pouvaient évidemment pas y avoir accès. Prendre les armes, c'était quand même pas si peu que ça, on a calculé, c'était quelque chose qui arrivait jusqu'à 50 000 fusils et peut-être revolvers et armes plus petites, distribuer ces armes aux ouvriers, créer des centurions ouvriers, comme on les a appelés, c'est-à-dire de véritables, une petite armée ouvrière, quoi, dans ces deux Länder qui sont situés géographiquement au centre du pays, géographique au centre, mais évidemment pas au centre politique. C'est déjà une première faiblesse énorme, c'est-à-dire déclencher une action de la périphérie et pas dans la capitale. Le deuxième moteur devait être les détachements armés du parti lui-même, donc l'appareil clandestin militaire du parti qui avait été renforcé considérablement dans les années précédentes et qui représentait une force non négligeable, évidemment pas une force colossale, dont pas mal avaient déjà fait des preuves et étaient déjà entraînés dans les luttes des années précédentes. Ce n'était pas rien. Et alors on croyait donc plus ou moins au scénario suivant. On allait d'abord armer les ouvriers de Saxe et de Thuringe, on allait convoquer un congrès des conseils ouvriers, des conseils d'entreprise. Le congrès des conseils d'entreprise donnerait sur un motif politique qu'on allait découvrir, et sur lequel on n'était pas tout à fait sûr d'ailleurs à l'avance, un signal à l'armement général de la classe ouvrière et à leur hache. Ça s'était un peu imité sur, si vous voulez, le scénario d'octobre 1917, à leur hache où ce congrès allait voter cet appel, l'appareil militaire du parti allait se mettre en mouvement dans une quinzaine de grandes villes pour prendre d'assaut les armureries, les commissariats de police, tous les endroits où on avait des armes, sauf les casernes, parce que ça allait armer alors et tendre l'armement des ouvriers jusqu'à créer une armée ouvrière, disons, de 100 000, 150 000 personnes, proclamer un gouvernement ouvrier dans tout le pays, alors bien le reste allait dépendre essentiellement de la réaction de la Reichswehr. Mais on croyait que appuyer sur une grève générale efficace, comme on en avait déjà trois fois de suite fait l'expérience, appuyer sur une classe ouvrière armée dans tout le pays, appuyer sur l'autorité du gouvernement central, la résistance de la Reichswehr allait s'effondrer ou allait s'émietter dans des luttes localisées qu'on aurait pu assez facilement étrangler. Voilà le scénario. Et je dis donc que c'est un truc extrêmement compliqué et dans lequel au moins deux ou trois maillons décisifs ne dépendent pas de l'initiative du parti lui-même, mais dépendent de ce qui se passe dans la tête et dans le chef d'autres types. On n'avait aucune garantie de ce qu'allait faire ce congrès. On n'avait aucune garantie de ce qu'était la composition de ce congrès. On n'avait aucune garantie de ce qu'allait faire ce fameux gouvernement ouvrier de Saxe et de Thuringe, dans lequel on était comme minoritaire et pas majoritaire. Et on n'avait surtout aucune garantie de ce qu'allait être la réaction de l'adversaire. Évidemment, toutes ces faiblesses, après coup, et je suppose que le camarade Trotsky l'a dit gentiment à Brandler dès le départ, toutes ces faiblesses étaient absolument évidente, visible à l'œil nu, rendait toute cette entreprise non seulement hasardeuse, mais je dirais à 99% condamnée à l'échec dès le début. C'est-à-dire, au fond, c'était espérer un miracle que par un événement quelconque, imprévisible, l'adversaire se trouverait à tel point paralysé au départ que l'affaire passerait quand même, malgré toutes les faiblesses évidentes du projet. Et c'est exactement ce qui n'est pas arrivé, et ce qu'on aurait pu facilement prévoir est arrivé, à la minute de la décision du Conseil des ministres en Saxe-et-Thuringe de préparer l'armement des ouvriers, parce que tout ça s'est fait à l'allemande. On prend d'abord un décret pour décider d'eux. On ne commence pas par faire, on commence par dire. Mais à la première parole qui tombe, la Reichswehr, qui était à l'affût, qui connaissait l'affaire, toute cette affaire était d'ailleurs faite, c'est pas de la clandestinité ou de la semi-clandestinité, c'était discuté pratiquement au grand jour, on en débattait dans les journaux, on en discutait dans des assemblées de milliers de personnes. Donc à la minute où la décision est prise au Conseil des ministres en Saxe et en Thuringe, la Reichswehr entre en Saxe et en Thuringe et occupe les deux Länder. Elle est d'ailleurs intelligente. Encore une fois, elle ne démet pas tout de suite de ses fonctions le gouvernement. Si elle avait démis de ses fonctions ces deux gouvernements, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ça aurait peut-être été l'étincelle qui aurait quand même mis le feu au poudre, mais elle ne fait pas ça. Elle se contente de dire que ces décrets sont illégaux. Elle se contente d'occuper les capitales des deux Länder, d'occuper les points stratégiques, d'occuper notamment les armureries et les stocks de saisir les stocks d'armes, mais elle ne démet pas de ses fonctions les gouvernements. Elle les laisse en place, y compris d'ailleurs les ministres communistes. Elle prépare un décret d'interdiction du Parti communiste, mais pas tout de suite. Et alors ça crée un moment d'hésitation, et évidemment, encore une fois, ce que était logique à prévoir va arriver, c'est-à-dire les centristes, les socialistes de gauche, les partenaires du Parti communiste dans ces deux gouvernements hésitent, ne passent pas à l'action, réfléchissent, ne s'engagent pas dans une épreuve de force décisive. Le congrès de Chemnitz des conseils d'entreprise est convoqué, ce côté-là marche, évidemment, tout ce qui est, si vous voulez, organisationnel, c'est mis en branle d'une manière parfaite. Brandl fait son grand discours historique devant le congrès, c'est le scénario qui se déroule, et il propose au congrès, mais dans des termes très modérés et au fond hésitants, de proclamer la grève générale, de donner le signal à l'armement général des travailleurs dans tout le pays, en riposte à l'entrée de l'armée, ça ce n'était pas mal calculé, en riposte à l'entrée de l'armée dans les deux Länder à gouvernement ouvrier. Et son appel général et fort vague n'est pas entendu. Une motion, les sociodémocrates de gauche déposent une motion, typiquement ce qu'on appelle dans les congrès français sociodémocrates, une motion de synthèse pour faire l'unanimité et pour faire confiance. C'est la formule immortelle des congrès sociodémocrates. Nous faisons confiance aux dirigeants pour. On vote une motion disant. On mandate le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour... C'est-à-dire, on ne dit rien du tout, on ne donne aucun signal, ça se termine en autre boudin. Et les dirigeants du Parti communiste commettent une erreur terrible, catastrophique. Ils votent cette motion, qui est vraiment votée à l'unanimité au Congrès. Bien, alors rien ne se passe. Il y a une négociation qui s'ouvre entre le gouvernement dit ouvrier... et la Reichswehr, c'est-à-dire c'est une entreprise qui répète pour la dixième fois toutes les tromperies, toutes les trahisons, tous les coups fourrés, tous les guet-apens des chefs militaires d'après 1918, alors que la négociation se passe, le Parti communiste est illégalisé, les journaux communistes sont interdits, les dirigeants communistes sont arrêtés, les ministres doivent s'enfuir, autrement ils auraient été arrêtés aussi. Alors le gouvernement démissionne, ça c'était la chose la plus intelligente. Alors le gouvernement démissionne pour protester contre la mise en clandestinité du Parti communiste. Alors la Reichswehr prend tout le pouvoir, évidemment il n'y a plus de pouvoir. Alors ils prennent tout le pouvoir et toute l'affaire s'effondre, il n'y a plus rien qui reste. La seule chose qui reste à faire, Brandler l'a fait, mais cette fois-ci de manière inadéquate, il envoie tout de suite des émissaires partout pour dire bien, le plan M n'est pas exécuté, ne faites pas l'insurrection dans les villes parce que tous les antécédents, tous les préalables ne sont plus remplis, toute la première partie du plan s'effondre. En général, les émissaires clandestins, courriers clandestins arrivent à temps et il n'y a rien qui arrive, sauf dans une ville, à Hambourg, où un rendez-vous est raté, où donc l'appareil militaire n'obtient pas le mot d'ordre de ne rien faire, et où le lendemain matin, calmement, 300 ou 400 militants du parti se lancent à l'occupation, à la saisie des stocks d'armes et à l'occupation des commissariats de police. Ils constatent, ce ne sont quand même pas des marionnettes ou des robots stalinisés, ils constatent tout de suite qu'il n'y a rien dans la ville, qu'il n'y a pas la grève générale, qu'il n'y a rien dans le pays. Ils réduisent la casse au minimum, ils font quelques morts, mais enfin, ce n'est pas trop tragique, ça aurait pu être un massacre terrible. Ils se replient tout de suite. Cette fois-ci, ce n'est pas une défaite conjoncturelle, cette fois-ci, c'est le tournant décisif. La bourgeoisie stabilise cette fois-ci la situation. La bourgeoisie internationale a compris le grand danger qu'elle a couru. Elle refait en plus petit ce qu'elle fera plus tard avec le plan Marshall, c'est-à-dire elle donne des crédits très considérables au capitalisme allemand, à l'économie allemande, pour stabiliser la situation du point de vue économique. Il y a une réforme monétaire, un nouveau marque fondé sur l'or, est lancée, l'économie est stabilisée, les exportations sont relancées, politiquement et économiquement la situation est stabilisée. En 1924, il y a des élections qui se terminent par une défaite très lourde du Parti social-démocrate, une victoire du Parti communiste par rapport à l'opposition qu'il avait gagnée en 20-21, mais évidemment un recul considérable par rapport aux positions qu'il aurait eu en 23. À ce moment-là, le Parti communiste gagne encore, c'est pas moi, 15 ou 20% des voix, c'est non, 15%, ce qui est énorme par rapport aux petites positions qu'il avait eues en 21, électoralement, mais ce qui est en reflux considérable. S'il y avait eu des élections à la fin de 23, il aurait eu, je ne sais pas moi, 30% des voix, quelque chose comme ça, dire un pourcentage équivalent à celui des bolcheviks aux élections de l'Assemblée constituante. Il y a d'ailleurs une petite anecdote pour terminer cette affaire triste. C'est qu'entre-temps, comme réaction à la défaite de l'octobre allemand, il y a changement de garde dans le Parti communiste allemand. La droite perd le pouvoir, la gauche, c'est-à-dire l'ultra-gauche, zinovieviste de Ruth Fischer et Maslow devient la direction du parti, c'est elle qui mène la campagne électorale, c'est elle qui a les élus au Parlement en majorité, ce qui fait d'ailleurs qu'après, dans l'opposition de gauche unifiée, il y aura pas mal de députés et d'ex-députés au Reichstag, participant à la gauche ou à l'extrême-gauche, et ils se comportent au Parlement d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas ? Vraiment comme des ultra-gauches, pour discréditer la vie parlementaire, ils s'amènent en cotillon, avec des trompettes, ils désorganisent les réunions, enfin c'est un spectacle comme on ne l'avait jamais vu en Europe, qui fait d'ailleurs du tort, il ne faut pas sous-estimer les effets de cette affaire, qui prépare en réalité objectivement la campagne nazie de liquidation de la démocratie parlementaire au profit de l'extrême droite, pas au profit de la gauche. Ça exprime une incompréhension du tournant qui a eu lieu en Allemagne. Faire ça la veille de la conquête du pouvoir du prolétariat, on pourra encore réfléchir, je crois que c'est même contre-indiqué à ce moment-là. Enfin, au moins à ce moment-là, ça fait partie d'un projet stratégique, raisonnable, réfléchi, tandis que le faire après la défaite, après le tournant décisif, ça signifie en réalité ne plus comprendre que la conquête du pouvoir n'est pas devant soi, qu'on doit se préparer à une longue lutte qui s'étend sur ces années, sur des années, et faire ça en dehors de tout projet stratégique. C'est d'ailleurs une faiblesse terrible de l'international communiste, contrairement à Trotsky qui a compris tout de suite et qui parle d'une défaite de l'octobre allemand et qui fait le parallèle avec la Russie et qui met le feu aux poudres, ce que font un des deux actes de naissance du mouvement trotskiste, l'un étant le cours nouveau, l'autre étant les fameuses leçons d'octobre, où il critique la direction du Parti communiste russe et du Parti communiste allemand, parce qu'il comprend que c'est un tournant décisif maintenant, c'est le début de du reflux à long terme de la révolution allemande. La direction de l'international communiste, à commencer par Zinoviev, refuse de il minimise, il dit c'est pas une défaite, Trotsky a perdu la tête, il répète les histoires de Lévy, c'est-à-dire la direction de l'international communiste ne comprend pas la différence entre une défaite momentanée et conjoncturelle comme celle de 21 et un tournant décisif, la fin de la période révolutionnaire, d'après-guerre, la stabilisation temporaire, comme on a dit plus tard, qui a commencé en octobre cette année. Une conclusion méthodologique. Ne faites pas décision sur des questions de tactique et de ligne politique. Ne faites pas décision sur ces questions-là parce que vous vous condamnez vous-même à l'impuissance et à la dégénérescence politique et vous affaiblissez le parti d'une manière tout à fait décisive. Ça, c'est la maladie infantile du trotskisme qui nous a fallu très longtemps pour surmonter et qui n'est pas encore à 100% surmontée, hein, on va voir. Où il y a encore beaucoup de craintes, où il y a encore beaucoup de craintes à avoir. Et donc l'évolution de Paul Lévy affirme ça d'une manière tout à fait tragique. Il sort du parti avec la crème de la crème de la classe ouvrière allemande, avec tous les dirigeants des conseils d'entreprise, des conseils ouvriers, avec ceux qui ont dirigé le mouvement, l'aile marchande du mouvement de masse pendant 5 ans, et il se condamne et les condamne à l'impuissance et à l'isolement le plus total. Tous ses camarades ne joueront plus aucun rôle dans la lutte ouvrière en Allemagne. C'est une tragédie parce que c'était parmi les plus capables. Il les élimine du processus historique. Il ne joue plus aucun rôle. On a quelquefois dit, je l'ai même entendu dans le débat la semaine passée ici, que ça c'est une règle qui ne s'applique qu'aux organisations de masse et qui ne s'applique pas au groupe encore petit. C'est évidemment un argument absolument mortel. Comme disait l'autre, il ne faut pas parler de la corde dans la maison du pendu. Dites ça dans une organisation trotskiste et vous ouvrez la porte à la scission permanente, et qui est un grand obstacle et un grand frein à la révolution permanente. La scission permanente. Évidemment, pas vrai du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une trahison historique d'un courant du mouvement ouvrier ? Ce sont des événements tellement clairs, tellement précis, tellement décisifs du point de vue historique, qu'ils amènent les cadres, ou du moins l'essentiel des cadres qui portent la tradition révolutionnaire, à choisir leur camp définitivement. Après le 4 août 1914, il n'y avait aucun marxiste révolutionnaire qui pouvait avoir des doutes sur la trahison de la social-démocratie. Avant le 4 août 1914, ce n'est pas vrai. Des marxistes révolutionnaires aussi expérimentés que le camarade Lénine avaient des doutes sur la trahison historique de la social-démocratie. Après le 4 août 1914, c'est fini. On ne peut plus avoir des doutes parce que ce sont des événements décisifs. Idem, après la capitulation de l'international communiste et du parti communiste allemand devant Hitler en janvier 1933, le camarade Trotsky ne pouvait plus avoir des doutes sur la possibilité de redresser l'international communiste et les partis communistes. La création d'un nouveau parti, d'une nouvelle internationale était devenue nécessaire. Mais avant ces grandes crises historiques, ces grandes trahisons historiques, non seulement le doute est permis, mais le doute est justifié. La ligne de redressement des partis existants et des courants existants est une ligne crédible et réaliste qui est adoptée par la majorité des cadres. Ce qui veut dire que si on fait décision à des moments pareils, si on va dehors, si on reste dehors, on perd la possibilité d'influencer l'essentiel des cadres qui portent la construction du parti. Alors cet argument n'a rien à voir avec le chiffre. Que ça porte sur 100 000, que ça porte sur 10 000, que ça porte sur 1 000 ou que ça porte sur 100, le raisonnement reste exactement le même, parce que 5 qui se séparent de 100 sont tout aussi impuissants que 5 000 qui se séparent de 100 000. On se coupe des cadres essentiels qui ont la mission et la possibilité historique de construire le parti dans un contexte historique déterminé. Donc dans ce sens, il ne faut pas faire décisions injustifiées, décisions sans principe, c'est-à-dire décisions sur des questions tactiques ou sur des questions d'analyse politique courante, aussi longtemps qu'un courant historique n'a pas définitivement et clairement trahi au même niveau et dans le même sens que la social-démocratie a trahi en 1914 et que le stalinisme a trahi en 1933. Camarade Trotsky n'a pas été pour le redressement de l'international communiste entre 23 et 33 par faiblesse centriste ou par hésitation, mais parce qu'il avait une analyse correcte sur cette question-là, d'ailleurs apprenant, tirant les leçons de ses erreurs avant 1914, quand il n'avait pas tout à fait compris cette question, quelle est la différence entre un parti qui est dans la ligne de l'histoire, qui est dans le courant par lequel passe la construction du parti révolutionnaire, et des fractions, des tendances qui se regroupent, se séparent de nouveau, mais qui sont tout autre chose que la ligne historique de construction du parti. Nous sommes partisans du droit de tendance. Nous sommes partisans de la possibilité de créer des factions. Nous le sommes parce que l'histoire nous a démontré, contrairement à l'idée de Trotsky et de Lénine en 1921, que le remède est pire que le mal. C'est-à-dire que si on interdit des factions, on interdit les tendances, on étouffe le débat interne et on contribue à la bureaucratisation et à la dégénérescence du peuple. N'empêche que les mots que j'ai utilisés ont un sens tout à fait précis. Le remède est pire que le mal, mais les fractions sont un mal, ils ne sont pas un bien. Et un parti divisé en fractions organisées plus ou moins permanentes, c'est un parti malade. Non seulement parce que l'existence des fractions révèle la maladie, c'est un pathologisme, un truisme, parce que, pour reprendre une idée que j'ai développée il y a quelques minutes, ça freine ou empêche la dialectique du débat interne. La dialectique du débat interne doit être une dialectique de dépassement de positions partielles, et en général, la lutte de fractions polarisées, elle aboutit exactement au contraire. Elle aboutit à maintenir deux morceaux d'un parti sur des positions partielles. Alors, l'expérience du KPD, du parti allemand, est vraiment le modèle historique à ce sujet. À partir de l'action de mars, le parti est divisé en deux factions qui sont pratiquement identiques en force parmi les militants, dont l'une met l'accent sur la nécessité de l'initiative et de l'action du parti, ce qui est vrai. Le parti révolutionnaire doit faire de l'action et doit avoir l'initiative, et l'autre met l'accent sur la nécessaire conquête des masses et la nécessaire tactique pour conquérir la masse. Évidemment, pour nous, c'est presque un truisme aussi, une évidence qu'une direction révolutionnaire doit pouvoir se caractériser par les deux qualités. Elle doit être capable de faire les deux. Je ne dirais pas exactement en même temps, simultanément, parce que ce sont des tâches qui, tout en s'imbriquant, quand même, se pondèrent, se combinent dans des proportions différentes, à des moments différents, mais pas pour l'initiative dans l'action permanente. On n'est pas non plus pour la tactique permanente du front unique et de la conquête des masses. Il y a des moments différents où un accent doit être mis soit sur l'un, soit sur l'autre aspect. Mais évidemment, la pire des choses, c'est qu'il y ait dans un parti des spécialistes de la conquête des masses d'une part et des spécialistes de l'initiative révolutionnaire de l'autre qui se substituent mutuellement à la direction et qui se caractérisent par une approche extrêmement unilatérale de la politique révolutionnaire, les uns accusant les autres de ne faire que cela, qu'un des deux aspects de la politique, et les autres répondant, évidemment, ça c'est inévitable, qu'au premier, vous n'êtes pas capable de comprendre le travail de masse, vous n'êtes pas capable de comprendre le travail, l'initiative révolutionnaire. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'un parti révolutionnaire de masse légale est concevable? Est-ce qu'il est concevable qu'il y ait dans un parti impérialiste, dans un pays impérialiste, des centaines de milliers de révolutionnaires, non seulement dans la pensée, dans les intentions, mais dans la pratique quotidienne, et que la bourgeoisie laisse faire? Est-ce qu'un parti révolutionnaire grand n'est pas par sa nature même, par son existence même, condamné à la clandestinité? Et je crois que l'histoire a déjà répondu à cette question, c'est-à-dire l'histoire allemande qui est sur ce plan-là, aussi l'histoire espagnole en partie, nous en parlerons demain, mais l'histoire allemande est beaucoup plus éloquente. La réponse est oui, un parti révolutionnaire de masse est possible. Et il est évidemment possible seulement dans une période révolutionnaire, c'est clair. Comment ne pas avoir une période révolutionnaire quand vous avez de centaines de milliers de véritables révolutionnaires dans un pays et qui ont déjà une influence très large dans la classe ouvrière? Autrement, ce serait une contradiction en soi. C'est que des révolutionnaires qui ne se comportent pas comme des révolutionnaires dans la vie quotidienne, ce ne sont pas des révolutionnaires. Alors, si vous avez de centaines de milliers de gens qui se comportent comme des révolutionnaires dans la vie quotidienne, ça change évidemment toute la situation objective. Ce n'est plus seulement un facteur subjectif, c'est un élément de la réalité quotidienne, économique, sociale et politique du pays. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Allemagne, en 22 et surtout en 23, pour s'en apercevoir. Ce que vous avez dans des entreprises, des grèves pratiquement quotidiennes, vous avez des grèves non seulement sur les revendications salariales, mais sur des tentatives de réaliser le contrôle ouvrier, la paralysie totale du patronat, la paralysie de l'administration étatique bourgeoise dans des secteurs entiers de la vie sociale, des tentatives d'armer des ouvriers constamment, des escarmouches constantes entre des secteurs ouvriers et des secteurs de l'appareil d'État, tout ça prouve que ces militants sont vraiment des militants révolutionnaires, même impatients, même indisciplinés, mais ça... Inutile de vouloir maintenir une discipline de fer parmi 500 000 révolutionnaires. Ça, c'est impossible. Même Lénine et Trotsky n'y ont pas réussi. En Russie, vous aviez les mêmes phénomènes dans les semaines et les mois qui ont précédé à la révolution d'octobre. C'est d'ailleurs ça qui révèle l'existence d'une situation révolutionnaire. On approche la réalité de plusieurs côtés, mais on retombe toujours sur la même totalité. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un parti révolutionnaire de masse, mais légal, mais j'ajoute tout de suite, pas pour une très longue période, c'est évident, parce qu'une telle situation pousse inévitablement vers une épreuve de force, qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Je vous ai dit qu'en 1918-19, les conseils ouvriers sont élus sous la poussée de l'avant-garde révolutionnaire et sous l'impact de la révolution russe, d'une manière plus ou moins universelle, dans des formes et des proportions un peu différentes selon les circonstances, mais enfin, ils s'institutionnalisent, ils sont là. La grande opération contre-révolutionnaire des réformistes, des sociaux-démocrates, consiste à résorber les conseils ouvriers comme organes de pouvoir politique. Et ces contre-révolutionnaires très lucides, pas à la petite semaine, ont compris d'instinct qu'au niveau historique, la bataille se joue pour ou contre les conseils ouvriers, pour ou contre les soviets. Ils n'ont qu'une seule obsession qui leur fait même dépasser ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire la sagesse tactique et la capacité de la manœuvre tactique. Ils sont tellement obsédés par leur hostilité à l'égard des conseils ouvriers qu'ils veulent les liquider totalement. Après avoir sauté sur le train en marche le 9 novembre, ils veulent liquider l'affaire dès le congrès, dès qu'ils ont obtenu la victoire au congrès des conseils fin décembre, ils veulent liquider. Alors la constituante de Weimar est convoquée, l'assemblée constituante est convoquée, et ils proposent en réalité des propositions, ils font des plus avances, des propositions de liquidation des conseils. Et là, ils tombent sur un os. Ils ont sous-estimé la manière dont la classe ouvrière allemande confuse, encore avec une conscience non-léniniste, non-marxiste-révolutionnaire, s'identifie avec les conseils et veut les maintenir. Et alors, les socialistes indépendants, et surtout l'aile gauche des socialistes indépendants, Däumig, Geyer, Richard Müller, les dirigeants des hommes de confiance révolutionnaire, engagent une action d'arrière-garde extrêmement valable et que les dirigeants du Parti communiste n'ont pas comprise et ont en partie même saboté avec peu d'art tactique, ce qui leur a fait un tort terrible en 1919 et ce qui a fait que tout le courant historique passe à côté d'eux en 1919, passe à travers le Parti social-démocrate indépendant. Le raisonnement que tiennent les camarades de la gauche indépendante, de la gauche du Parti social-démocrate indépendant, est environ le suivant. Il faut absolument conserver les conseils. La révolution a subi une défaite, mais ce n'est pas encore la défaite. De nouvelles batailles vont arriver. si nous conservons la forme organisationnelle, comme c'est la forme, la seule forme dans laquelle une classe ouvrière révolutionnaire peut s'organiser, peu importe la fonction qu'on les conseille momentanément, ils vont retrouver la fonction d'un organe de pouvoir lorsqu'ils vont coïncider de nouveau avec une crise révolutionnaire. Il faut donc sauver les conseils, quelle que soit leur fonction immédiate, parce que ce sera un véhicule, ce sera une forme d'organisation révolutionnaire valable au moment de la prochaine crise. Et je crois qu'ils ont eu absolument raison. Il faut en tirer des conclusions, d'ailleurs, pour l'avenir. Il faut que nous nous comportions exactement de la même manière. Il ne faut pas avoir le fétichisme soviétique. Il faut comprendre quelle est la fonction d'auto-organisation de la classe ouvrière. D'ailleurs, je crois que ce n'est inutile de l'expliquer autrement, parce que notre mouvement a compris ça à fond. Et il faut comprendre que toute forme d'auto-organisation de la classe ouvrière, même une forme beaucoup plus modeste que la forme soviétique, peut être un soviet embryonnaire. Il ne faut donc pas être maximaliste en la matière, il faut dire ou bien les soviets ou bien rien du tout, mais il faut dire on essaye de maintenir et de généraliser toute forme d'auto-organisation de la classe ouvrière au niveau des entreprises et au niveau local, parce que si on conserve quelque chose à ce sujet, dès que la situation change, le redémarrage de la forme soviétique pure sera infiniment plus facile à au départ de tels conseils qu'à partir de zéro. Et là donc, les camarades de la gauche socialiste indépendante ont joué un rôle éminemment positif. Ils ont donc dit bien, on n'a plus le pouvoir politique, nous le regrettons, nous condamnons les traîtres sociaux-démocrates, ces chiens sanglants de Nosk qui nous ont enlevé le pouvoir politique, mais conservons le maximum de pouvoir au niveau des entreprises. Transformons en d'autres termes les conseils ouvriers en comités de contrôle ouvrier, en comités qui constituent des organes de contre-pouvoir, des organes de contestation du pouvoir patronal au niveau des entreprises, quitte à les fédérer au niveau local, à les maintenir au niveau local, c'est-à-dire comme organe embryonnaire de pouvoir, de contre-pouvoir au niveau local. Et alors, il y a eu un dialogue de sourds, c'est mauvais, je crois, de la part du Parti communiste, tout au long de l'année 19, contre cette tentative, le Parti communiste faisant des plaisanteries, disant, enfin, les indépendants croient qu'ils peuvent conquérir le pouvoir usine par usine, dans chaque usine, ils croient qu'on peut conquérir le pouvoir économique sans avoir le pouvoir politique, et c'était largement un débat à côté de la question. Pendant toute l'année 19 et une bonne partie de l'année 20, la bataille se mène avec un succès considérable. Les tentatives du gouvernement de coalition dirigée par les sociaux-démocrates de liquider les conseils d'entreprise, les conseils ouvriers, échouent. Ils perdent la majorité dans les syndicats, ils veulent opposer les syndicats aux conseils ouvriers, c'est l'inverse qui se produit. Le courant socialiste indépendant, s'appuyant sur les conseils d'entreprise, conquiert la majorité dans les syndicats. Et alors en 23, se confirme toute la justesse de l'orientation, disons, de la gauche socialiste indépendante et le caractère sectaire et erroné de la ligne du Parti communiste allemand de 19, parce qu'en 1923, malgré la défaite, sur lequel je dirais un mot en passant, malgré la défaite subie au niveau parlementaire, malgré le fait que les conseils ouvriers sont transformés en conseils d'entreprise à la française, perdent leur pouvoir de fait de contrôle ouvrier dans les entreprises, que les sociaux-démocrates essayent de les institutionnaliser et de les intégrer dans une politique de collaboration de classe, dès que la montée révolutionnaire de 23 se précise, la prédiction des dirigeants ouvriers de 19 se précise aussi. Et les ouvriers alors se saisissent spontanément et normalement de ces organes qu'ils ont créés en 18 et avec lesquels ils s'identifient pour en faire les, disons, organes naturels d'organismes révolutionnaires de préparation de la prise du pouvoir. Et partout en Allemagne, le Parti communiste allemand, cette fois-ci sous la direction de Brandt, qui est infiniment plus intelligente et plus proche des masses que la direction de 19, se lance à la conquête des conseils d'entreprise, c'est-à-dire des conseils ouvriers, comme l'avaient fait les indépendants en 19, sans entrer dans des considérations sectaires. Est-ce que ce sont des soviets? Est-ce que ça peut être des soviets? Est-ce qu'il faut se battre tout de suite pour que ce soit des soviets? Il comprend que c'est l'organe d'auto-organisation des travailleurs, qu'il faut d'abord gagner là-dedans, si on veut gagner la masse. Il se lance à la conquête avec un succès extraordinaire. On peut dire que plus de la moitié des conseils d'entreprise sont conquis par les communistes en Allemagne, surtout dans la grande industrie et surtout dans la métallurgie, et que c'est la preuve de la conquête de l'hégémonie communiste dans le mouvement ouvrier organisé, que le succès de cette opération, qui conduit d'ailleurs Brandt tout naturellement à concevoir toute l'opération de conquête du pouvoir de 23 à travers ce congrès des conseils d'entreprise, parce que ce sont les seuls organes d'auto-organisation de la classe ouvrière dans le pays qui peuvent se transformer en soviets. Définition d'une situation révolutionnaire. C'est aussi très très important du point de vue méthodologique. Vous connaissez sans doute la définition classique de Lénine, classique dans sa simplicité et irremplaçable et corrigible justement de par sa simplicité. Lénine dit une situation révolutionnaire se caractérise fondamentalement par trois facteurs. Primo, que la bourgeoisie, que la classe dominante est en fait incapable de gouverner et qu'elle en a conscience. Deuxièmement, que la classe opprimée, c'est-à-dire la classe ouvrière, ne se laisse plus gouverner, et en a conscience et le manifeste. Et troisièmement, que les classes intermédiaires, ou bien sont neutralisées, ou bien commencent à pencher du côté de la classe révolutionnaire. Lorsqu'il y a coïncidence de ces trois facteurs, on est en véritable situation révolutionnaire. En 1923, les trois facteurs sont là. Ça, c'est absolument manifeste, comme ils étaient là, évidemment, en novembre-décembre 1918. L'incapacité de gouverner de la bourgeoisie était visible à l'œil nu. L'occupation de la rue, la dite résistance passive, l'effondrement du gouvernement central à Berlin sous la chiquenaude d'une grève générale politique, tout ça montrait de manière manifeste la désagrégation du pouvoir bourgeois, l'apparition d'initiatives de dualité de pouvoir à de nombreux endroits en Allemagne, le fait que dans deux Länder, on discutait ouvertement de l'armement des ouvriers et du refus d'obéir aux ordres du gouvernement central, ne pouvait pas avoir une meilleure preuve de la crise politique terrible, de la crise de gouvernement terrible de l'État bourgeois, de la paralysie totale de l'État bourgeois. La volonté de la classe ouvrière de ne plus respecter, reconnaître le pouvoir de la bourgeoisie, ça aussi c'était visible à l'œil. La vague de grève, la vague d'initiatives de saisie de stock, la vague d'armement des travailleurs, la grève générale politique renversant le gouvernement sous le mot d'ordre constituant un gouvernement ouvrier, ça montrait très clairement que la majorité de la classe ouvrière était mûr pour la conquête du pouvoir et la conquête de l'hégémonie, sinon de la majorité ou du moins de l'hégémonie du Parti communiste, qui était un parti vraiment révolutionnaire au sein de cette classe ouvrière, en était d'ailleurs la confirmation indirecte. En ce qui concerne les classes moyennes, les classes intermédiaires, l'analyse est un peu plus difficile, mais je crois qu'en gros, elle est aussi réelle. Ces organes, ces conseils ouvriers fédérés localement, en général, ont un bras armé. Il y a dans la plupart des villes où ces conseils ouvriers subsistent des détachements armés, soit provenant de la décomposition de l'armée, donc de parties de la garnison qui sont passées du côté du peuple en novembre 18 et qui ont maintenu leurs armes et qui sont en voie de démobilisation, mais qui résistent un peu leur démobilisation parce qu'ils se considèrent comme le bras armé des conseils ouvriers et qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Berlin, qu'ils ont vu le massacre de Berlin, qu'ils veulent défendre les conseils contre la possibilité d'un tel massacre, soit composés par des ouvriers armés qui se sont armés au cours de la révolution de novembre et qui ne veulent pas lâcher les armes. Alors se répète dans toute une série de parties de l'Allemagne et dans toute une série de villes allemandes le scénario classique qu'on a déjà vu en janvier 19 à Berlin et qu'on a vu dans la commune de Paris. C'est-à-dire l'épreuve décisive pour la contre-révolution, c'est le désarmement des ouvriers, c'est le désarmement de la révolution, et la révolution ne se laisse pas facilement désarmer. Ça, c'est la loi de toutes les révolutions. Une fois que des ouvriers ont des armes entre leurs mains, de leur arracher ce n'est pas facile et ça provoque 99 fois sur 100 une résistance. La résistance peut être inefficace surtout sur le recul, et en 19 nous sommes en recul conjoncturel en ce qui concerne les rapports entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais il y a résistance. Et alors tout au long de l'année 1919, il va y avoir des escarmouches armées dans pratiquement toutes les grandes villes d'Allemagne, chaque fois avec le même scénario, ultimatum du gouvernement central aux autorités locales, désarmer les ouvriers, refus des autorités locales parce qu'elles sont impuissantes ou contrôlées par la gauche. Alors Noske, le ministre de la Défense nationale, envoie la Reichswehr vers les villes pour désarmer les ouvriers. La Reichswehr entre, c'est la bagarre pratiquement instantanée, et bagarre qui se termine par beaucoup de morts. Le Parti communiste a tiré le leçon de janvier. Il avertit les ouvriers contre la résistance armée, il leur dit de ne pas résister, il leur dit qu'il y a des provocations, d'ailleurs il y a constamment utilisation de mouchards et de provocations par Noske, qui quand il y a des foules, fait tirer un individu dans la foule sur l'armée, et l'armée tire sur la foule, il y a 30, 40, 50 morts, c'est constant, absolument constant. Le Parti communiste fait tout ce qu'il peut pour tirer les leçons de janvier et éviter ces saignées inutiles, mais il ne réussit pas. Je répète, amener des ouvriers armés à rendre les armes, c'est extrêmement difficile. Et toute l'histoire des révolutions pour les Ariennes prouve que ça provoque chaque fois des épreuves. Chaque fois, le plus intelligent pour les ouvriers, c'est de cacher leurs armes, c'est de les enterrer, de les cacher, mais les rendre, ils ne le feront pas. Et il faut donc tenir compte de tout ce que je viens de raconter pour expliquer deux aspects clés de l'année 23. L'aspect du front unique et l'aspect de l'armement du prolétariat. Après ces expériences, il était clair pour tous les dirigeants révolutionnaires qui avaient un minimum de maturité, et à Brandler on ne pouvait pas évidemment dénier cette maturité, et je répète, Trotsky, toute l'internationale communiste, y compris les zinoviétistes, partageaient cette opinion, qu'une conquête du pouvoir en Allemagne par le prolétariat était inconcevable sans une articulation de la politique de front unique et d'armement de masse du prolétariat. Qu'après toutes ces expériences, croire qu'une minorité pouvait se lancer à la conquête du pouvoir, c'était inconcevable. Il fallait d'abord conquérir l'hégémonie au sein de la classe ouvrière, et ça c'était impossible sans une politique de front unique, et qu'il fallait concevoir une politique d'armement large de la classe ouvrière, pas de petits détachements armés. Et vous vous rappelez, dans le récit, dans la chronologie de tout à l'heure, comment Brandler concevait l'articulation entre le front unique et l'armement des masses en 23, ce qu'il y avait de valable dans cette articulation, j'y insiste maintenant, ce qu'il y avait de faux, nous devons le comprendre également. Une première approche du problème du front unique, c'est l'approche que Trotsky a faite surtout dans les années 30-33, donc front unique en tant que nécessité objective pour défendre la classe ouvrière contre des attaques qu'elle subit, soit attaques sur le plan économique, soit menaces contre ses libertés et ses organisations. Dans ce cas-là, c'est évidemment la menace fasciste qui est la plus précise. Front unique est une nécessité dans ce cas-là objective parce que la riposte à ces attaques est impossible en ordre dispersé sans l'unification des forces ouvrières. Le deuxième aspect de la politique du front unique, c'est l'aspect front unique comme instrument de conquête de la majorité des travailleurs par un parti révolutionnaire. Vu le rythme de l'évolution en Allemagne, vu la crise révolutionnaire si riche en péripéties et en combats de nature diverses, il y a eu pour le Parti communiste, à partir de 1920, la nécessité d'appliquer la politique de front unique en passant quelquefois avec une vitesse vertigineuse de l'un à l'autre aspect. J'ai déjà donné tout à l'heure un exemple. Lors du putsch Cap von Lüttwitz, il était nécessaire de mettre l'accent sur l'unité d'action contre l'ennemi commun comme priorité. Et la direction du Parti communiste n'a pas su s'y prendre. Ça et les excuses que je vous ai déjà données, ça venait au lendemain de massacres organisés par les dirigeants sociaux-démocrates, de toutes ces actions de désarmement des travailleurs, de cette ignoble attaque de la grande manifestation de masse à Berlin. On comprend qu'ils étaient gênés. Ils auraient cependant dû comprendre la nécessité objective de le faire et voir que ça correspondait aux désirs, aux aspirations et même à l'orientation de millions de travailleurs. Je crois que l'autre aspect, l'aspect donc de politique, de front unique pour gagner la majorité de la classe ouvrière, a été appliqué de manière admirable par la direction Brandler à partir de la fin de 21 et pendant toute l'année de 22. Ils ont fait ça très bien, pas d'une manière excessivement sectaire non plus, pas avec des insultes ou l'écume à la bouche, d'une manière raisonnable, prenant appui sur les revendications immédiates des travailleurs, prenant appui sur les grèves économiques, élargissant petit à petit la question au domaine politique.